Le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 15 une déclaration pour condamner les manœuvres militaires américano-sud-coréennes et exiger de l'administration américaine d'interrompre sur le champ toute provocation militaire contre la Corée.